franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la vie et la mort de l'un des plus grands personnages du XXe siècle, Ernesto Guevara, dit le Che. De son vivant, il est déjà un mythe, l'icône d'une révolution qu'il portait à bout de bras, le symbole de la rébellion. À sa mort, le 9 octobre 1967, le Che est devenu une légende. Celle d'un homme profondément humaniste, charismatique à la pureté idéologique considérée comme sans faille. S'il fallait donner un visage, une représentation humaine de la postérité, ce serait le Che, dont il est une allégorie à lui tout seul. Parmi les nombreux souvenirs, il y a ce nom évidemment entré depuis dans les livres d'histoire, mais il y a aussi ce visage illustré par la célèbre photo en noir et blanc d'Alberto Korda, celui d'un homme barbu, souriant, cigare à la bouche, béret étoilé sur la tête, qu'on voit encore sur les murs des chambres d'ados. Homme d'idées, homme d'action, révolutionnaire et voyageur, il avait fait de sa vie un combat et un modèle d'engagement. Il en paiera le prix. Sa mort, à 39 ans, dans le maquis bolivien, reste encore entourée de nombreuses zones d'ombre et elle a longtemps alimenté les rumeurs les plus folles. Alors, quel est le parcours de cet homme qui voulait changer le destin de la société par la puissance des idées et la force des armes? Comment un jeune médecin argentin est-il devenu le plus célèbre guerriero du XXe siècle? Et enfin, comment Ernesto Guevara est-il devenu le Che? Pour parler de Che Guevara, après le récit, nous avons invité Régis Debray, philosophe, romancier. Son compagnonnage avec le Che a fait l'objet de nombreux commentaires et de quelques documentaires. Régis Debray est l'auteur d'un très bel ouvrage intitulé « Carnet de route », recueil racontant 50 ans de son histoire si singulière. C'est un objet de littérature. Enrichi de 220 documents inédits et d'une chronologie, « Carnet de route » est publié chez Gallimard depuis le mois de mai dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Andrea Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Valentin Hazan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Aérodrome de Villa Grande, Bolivie, samedi 5 juillet 1997. Nous sommes ici à 770 km au sud de la capitale administrative du pays, La Paz. Autour de nous, la jungle, territoire hostile, s'étend à perte de vue. L'humidité est éprouvante. Au bout de la piste d'atterrissage, à moitié abandonnée, un groupe d'une trentaine d'hommes s'active, tenant dans ses mains des pelles, des pioches et des relevés cartographiques. À côté d'eux, une pelleteuse éventre la terre dans un épais nuage de poussière ocre. Le spectacle bruyant fascine les habitants du village voisin, tout comme les accents de ces étranges visiteurs, boliviens, argentins, cubains. Que viennent donc faire tous ces gens ici, à Villa Grande, au beau milieu de nulle part? La réponse a de quoi surprendre. Ils sont là pour creuser la terre afin d'éclairer l'histoire. Parmi eux, il y a des anthropologues, des géophysiciens, des géomètres et enfin une douzaine de médecins légistes. Voilà 3 semaines qu'ils inspectent chaque centimètre carré du terrain d'aviation pour retrouver les sépultures d'anciens guerriers enterrés ici dans les années 60. L'information sur la présence de ces corps est fiable. Elle émane d'un général bolivien à la retraite. Et si elle suscite un tel engouement, c'est que le général affirme que l'une de ses dépouilles serait celle d'Ernesto Guevara. Oui, Guevara, le Che, mort en 1967 dans la jungle bolivienne et dont on n'a jamais retrouvé le corps. 3 jours plus tôt, on a extrait plusieurs sépultures en mauvais état et depuis les efforts redoublent. Vers midi, la cloche se met à sonner. On vient de découvrir 2 nouveaux corps. Après une autopsie rapide, les chercheurs en sont persuadés, ils ont entre les mains les os de Che. France Inter. En Bolivie, 30 ans après avoir été jeté dans une fosse commune, les ossements de Che Guevara viennent d'être formellement identifiés par un médecin cubain, le docteur Jorge González. En 1967, le compagnon de lutte de Fidel Castro avait été enterré avec 7 autres guérilleros. En l'exhumant, il y a une quinzaine de jours, il avait été étiqueté avec la mention « squelette numéro 2 ». Même si le docteur González est formel quand il dit que ce corps est bien celui du Che, le squelette numéro 2 a été expédié vers l'hôpital de Santa Cruz pour y être soumis à d'ultimes analyses scientifiques. Pierre Calfon, auteur d'un livre sur Ernesto Guevara, joint par Richard Place, pense qu'il faut être prudent. La découverte est plausible, mais rien n'est établi encore d'une manière certaine. Le faisceau de présomption, c'est d'une part qu'il n'y avait pas, on ne trouve pas les mains de l'hypothétique Guevara. Effectivement, elles ont été coupées. Les arcades sourcilières proéminentes, c'est effectivement une caractéristique du visage de Guevara. Qu'il n'y ait pas eu de traces de chaussures à côté des ossements, effectivement, il a été enterré. En tout cas, le cadavre tel qu'il a été présenté ne portait pas de chaussures. En l'espace de quelques heures, la nouvelle fait le tour du monde. Le visage du Che fait la une de la presse. Il n'y en a que pour lui. Le Che, le Che, le Che. On organise des émissions de débat, on diffuse des documentaires. Sur l'île de Cuba, l'émotion est considérable. Sur la Plaza de la Revolución, à La Havane, des milliers de personnes se rassemblent, bougies à la main, pour lui rendre hommage. Pour le pouvoir castriste, en proie à une crise économique et à des troubles sans précédent depuis la chute de l'URSS, la découverte tombe à pic. Elle permet à Fidel Castro de continuer d'écrire le roman national, car le Che est ici une gloire immortelle que l'on surnomme toujours El Comandante. Son visage est gravé sur les murs des écoles, il y a des dizaines de statues à son effigie, son message « Hasta la victoria siempre » jusqu'à la victoire, toujours, est inscrit sur de grands panneaux le long des routes. C'est dans cette foule que la romancière et poète cubaine Zoé Valdés explique l'importance du Che pour les Cubains. C'était une belle image. On n'avait pas Superman, on n'avait pas Tarzan, on n'avait pas les héros américains, on avait nos héros à nous. Et lui, c'était ça pour nous. Dans mon enfance, dans mon adolescence, je ne peux pas dire qu'il était une image négative. Au contraire. Et surtout parce que ma mère, il n'y avait pas de père à la maison. Et ma mère, à chaque fois, l'année après sa mort, je me rappelle très bien qu'elle pleurait, elle disait « c'est pas possible », elle les comparait même avec le Christ. Chose qui était très forte pour moi parce que moi j'étais catholique. À l'époque, ma grand-mère m'envoyait à l'église et j'ai failli rater mon école parce que, comme j'étais catholique, je ne pouvais pas être pionnier communiste. Et le directeur m'a dit vous ne pouvez pas avoir le foulard de pionnier communiste parce que vous allez à l'église. Donc je ne comprenais pas du tout. Hein. À l'école, on me disait ça et par contre, ma mère, il les comparait avec les Christ. Donc c'était un peu confus pour moi. Aujourd'hui, 30 ans après sa mort, que reste-t-il de cet élan révolutionnaire? Pourquoi le nom et la figure du Che restent-ils des symboles éternels? Son visage est imprimé sur des t-shirts ou sur des posters en noir et blanc. En Europe et aux États-Unis, sa barbe noire et son béret étoilé sont autant de marqueurs révolutionnaires. Ceux de la contestation contre l'oppression politique et la dictature et, pardonnez-moi l'expression, du bras d'honneur des Cubains aux Américains, de l'insolence des révolutionnaires face à l'impérialisme et la société de l'argent. Sentiment toujours aussi vivace aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'aller à Cuba, allez au musée de la Révolution à La Havane. Vous y verrez la fresque intitulée « Le mur des crétins » où sous les portraits de quatre présidents américains, vous pourrez lire « Merci crétins de nous avoir aidés à rendre le socialisme irrévocable ». Alors, comment et pourquoi le marketing s'est-il emparé du nom et du visage du Che? Pourquoi son histoire semble-t-elle aussi intimement liée à celle de Cuba? Et enfin, pourquoi et comment est-il mort? Retour sur l'aventure hors norme d'un révolutionnaire qui a failli changer le monde. Buenos Aires, Argentine, été 42. C'est ici, dans une maison d'un quartier aisé, que réside la famille Guevara de la Serna. Le père, Ernesto Senior, est ingénieur. La mère, Celia, femme au foyer. Ils ont 5 enfants. L'aîné est un jeune garçon de 14 ans. Son prénom, Ernesto. Sa particularité, asthmatique. Passionné par la lecture et la poésie, celle du chilien Pablo Neruda en particulier, celle de José Martí, poète et père de l'indépendance cubaine, il est intellectuellement très éveillé et il adore écouter les réunions et débats politiques qu'organise son père à la maison. À l'âge de 21 ans, il s'inscrit en faculté de médecine sur un coup de tête. Malgré son asthme, il pratique assidûment le rugby et la natation. Brillant élève, il rejette son statut de Portenos, surnom donné à la classe aisée de la capitale argentine. En 1951, il fait un voyage qui va profondément changer sa vie. Pendant plusieurs mois, il sillonne les routes d'Amérique du Sud avec son ami Alberto. Sur une moto, une Norton 500, il se lance dans un périple de plusieurs milliers de kilomètres qui le mène d'Argentine au Pérou en passant par le Chili et la Bolivie. Loin des grandes villes, dans les campagnes les plus reculées, il se confronte à la réalité. Pas d'éducation, médecine inaccessible. Des hommes exploitent d'autres hommes dans des mines ou dans des champs. Enfin, les injustices sont partout. Un constat qui déclenche une prise de conscience chez Ernesto. Dans son journal, il écrit « Je savais notre monde malade, mais je n'imaginais pas qu'il était à ce point rempli de violence. Sur notre route, nous avons vu des choses exceptionnelles, rencontré des gens très bons, mais rien ne peut effacer l'oppression qui existe. Cette situation n'a qu'une finalité, la violence. Et à la violence réactionnaire, on ne peut répondre que par une violence révolutionnaire. » De retour à Buenos Aires, il reprend ses études de médecine avec de nouvelles idées en tête, comme l'explique l'écrivaine argentine Gloria Alcorta, qui l'a connu à cette époque. Je l'ai connu, évidemment, il était plus jeune que moi, et je connaissais surtout ses parents et son frère Roberto. Enfin, je connais très bien toute la famille, qui est une famille très brillante et intelligente à Buenos Aires. Alors, Che Guevara était un garçon toujours extrêmement illuminé, d'idées communistes, je dois dire. Sa mère, d'ailleurs, l'était. En vérité, je l'ai surtout beaucoup vu quand il était très jeune. Ensuite, quand il a été un homme, je ne l'ai plus beaucoup vu. Il était dans la bagarre et ensuite il est parti. Sur le plan humain, il était très nerveux, très passionné, avec des lueurs de tendresse très grandes, un énorme besoin affectif et en même temps un besoin de violence. Mais certainement un être lumineux et merveilleux. Qu'on soit ou qu'on ne soit pas de son avis, on a toujours été touché et très frappé par Ernesto. En 1953, Ernesto a 25 ans. Diplôme de médecine en poche, il refuse la vie de médecin qui s'offre à lui. Non, lui veut voyager, expérimenter, rencontrer. Il lit Marx, Lénine, Tolstoï, Gorky. Il part en Bolivie, au Costa Rica, puis au Guatemala, où il rencontre Hilda, sa première femme. À Guatemala City, en 1954, il est le témoin d'un coup d'État fomenté par la CIA. Il vit en direct la mise en place d'une dictature pro-américaine. Cette expérience douloureuse le convainc que le combat contre l'impérialisme passe obligatoirement par la lutte armée. Juin 1955, Mexico City. Indésirable aux yeux de la dictature guatémaltèque, car argentin, le jeune docteur Ernesto Guevara poursuit son voyage jusqu'au Mexique. Il vit de façon très modeste et accepte un poste d'infirmier dans un hôpital de banlieue. Parmi les amis qu'il fréquente ici, il y a de nombreux Cubains exilés. Des hommes qui ont fui la dictature sur leur île. Des hommes qui lui vantent les récits et faits d'armes d'un jeune révolutionnaire en devenir, un certain Fidel Castro. Quelques semaines plus tard, la route des deux hommes se croise lors d'un dîner chez une amie en commun. Ce soir-là, au 49 rue Amparan, près de la place de la República, à Mexico, l'histoire retient que Fidel, grand homme d'un mètre 90, la trentaine, le cheveu noir et la barbe ondulée, serre la main d'un homme de 27 ans, plus petit, au regard franc et à l'accent marqué Ernesto Guevara. La discussion s'engage. Le discours de Fidel sur le constat de pauvreté à Cuba impressionne le jeune Argentin. De son côté, le révolutionnaire cubain est fasciné par les propos de son interlocuteur sur l'oppression des peuples. Les deux hommes partagent l'absolue nécessité de libérer ceux d'Amérique latine qui vivent sous le joug de l'impérialisme. Et le débat se poursuit toute la nuit, passionné, on l'imagine. On parle de Simon Bolivar, père de l'indépendance en Amérique du Sud. On cite José Martí, père de l'indépendance cubaine. Le lendemain matin, Fidel Castro explique à son frère Raoul qu'il a trouvé un authentique guerrier pour l'aider à construire sa révolution. Ernesto Guevara intègre dans la foulée le mouvement secret du 26 juillet des frères Castro. Les discussions et les préparatifs s'intensifient. Fidel veut libérer Cuba. Dans la banlieue de Mexico, Ernesto s'entraîne aux techniques militaires enseignées par ses compagnons d'armes cubains. Il apprend à tirer et à se battre. Il apprend la rigueur des marches forcées. Il apprend à prendre des coups aussi. En décembre 1956, après un an de formation, il embarque sur un bateau avec Raoul et Fidel Castro ainsi que 82 hommes. Leur objectif, reprendre Cuba, la libérer des mains du dictateur Fulgencio Batista. Sur place, les débuts de la lutte armée sont difficiles. Les révolutionnaires fidélistes se heurtent à l'armée régulière, bien plus nombreuse, bien mieux équipée. Seuls 19 des 82 hommes survivent. Ernesto, lui, tente, avec quelques autres, de se réfugier chez un paysan du nom de Benigno, qui, bien des années plus tard, racontera cette rencontre. Et quand ils sont arrivés chez moi, j'ai eu très peur, parce que j'ai cru que c'était des militaires qui venaient m'expulser, et donc j'avais peur. Tu sais, le Che, lorsqu'il arrive, il est étudiant en médecine. Alors il vient, il m'appelle, il me dit « Eh viens voir Guajiro, viens voir mon gars, viens ici, on va t'examiner. » Et donc c'est la première fois que je vois un médecin. Alors je commence à le distinguer des autres, premièrement en raison de son accent. Il parlait différemment, d'une façon qui n'était pas celle des Cubains. Et ensuite, parce qu'on le voit s'intéresser à toute une série de choses concernant les paysans, notre vie et tout ça, ce qui lui donne un relief particulier par rapport au groupe. Pendant plusieurs mois, les fidélistes, ou les barbados, les barbus comme on les appelle, trouvent refuge dans la Sierra Maestra. Ernesto Guevara traverse une période difficile, il est malade, victime de crises d'asthme à répétition. Très vite, grâce aux bouches à oreilles, les paysans lui envoient des gens malades afin qu'il les soigne. Sa réputation de médecin grandit dans l'île, tout comme celle du mouvement que de nombreux combattants rejoignent dans les collines. Au mois de juillet 1957, Fidel Castro le nomme « Comandante ». Il participe ensuite aux attaques armées contre des casernes, des convois. Il punit lui-même les militaires qui s'en prennent aux paysans. Sur ordre direct de Fidel, le 21 août 1958, après presque 2 ans de lutte dans la jungle, la guérilla remonte vers la Havane, avec d'un côté un front mené par Camilo Cienfuegos, de l'autre un front mené par Ernesto Guevara à partir de Santa Clara. Village après village, champ après champ, les Barbudos reçoivent le soutien des populations locales. Pendant plusieurs semaines, l'armée régulière réplique par des bombardements et tente de faire barrage sur les routes principales. Trop tard. Le 1er janvier 1959, Batista quitte le pays. Le destin de Cuba est désormais entre les mains des frères Castro et de Che Guevara. La Havane, 31 décembre, 7h du matin. Des voitures à haut-parleurs sillonnent les rues de la ville, diffusant chants révolutionnaires et marches militaires. La population est invitée au grand dîner populaire qui se tiendra ce soir à la Plaza de la Revolución pour fêter le nouvel an. Les tickets d'entrée, un peso, sont en vente dans les kiosques. À la radio, les émissions sont interrompues toutes les 3 minutes par des slogans révolutionnaires. Tous les émetteurs s'annoncent invariablement par cette même phrase « Ici, la Havane, Cuba ». Premier territoire libre d'Amérique. Avec la révolution cubaine, le monde entier découvre le visage de ces révolutionnaires si romantiques vus de loin. Il est bien sûr Fidel, le chef, mais il y a aussi un autre homme que tout le monde connaît à Cuba sous le nom du Che. Tour à tour, procureur, ministre de l'Agriculture, directeur de la Banque Nationale et ministre de l'Industrie, il est à l'origine d'une grande partie des réformes qui marquent la société cubaine. Sur les ondes de la RTF, le correspondant de l'AFP à Cuba, Yves Daude, raconte. On l'appelle Che, qu'est-ce que ça veut dire Che? Ça veut dire simplement « et ». C'est une interjection argentine, et comme tous les Argentins, puisque le commandant Guevara est un Argentin, qu'il avait cette habitude, bon, peut-être une mauvaise habitude, de mettre dans toutes ses phrases, à tout propos et hors de propos, « Che, Che ». Tout de suite, je vous donne cette anecdote qui est vraie. Le Che Guevara avait été nommé directeur de la Banque Nationale d'Émission cubaine, et comme tous les directeurs d'une Banque Nationale d'Émission, il devait déposer sa signature au Fonds Monétaire International. Et quand il est arrivé au Fonds monétaire, on lui a dit « Vous devez signer de votre nom, c'est-à-dire Ernesto Guevara Serna. » Et lui, il a signé simplement « Che ». Ce qui fait que les billets de banque cubains sont signés « E ». C'est un type carré. Il avait d'énormes cheveux qui lui tombaient dans le dos, comme tous les guerrilleros du temps de la Sierra Maestra. Mais une fois devenu ministre, type respectable, Il a fait couper ses cheveux, mais il a gardé la barbe. Il est un des rares à Cuba à avoir gardé la barbe. Il a un débraillé vestimentaire qui est celui de tous les chefs de la révolution cubaine, c'est-à-dire qu'il est toujours en tenue de combat. Il marche toujours d'une façon excessivement... Certains l'appellent le chat. C'est ça la différence d'ailleurs fondamentale avec Fidel Castro, qui est bien plus grand, bien plus costaud, d'énormes épaules, et puis cette grande barbe noire. Fidel d'ailleurs, on l'appelle le cheval, son surnom cubain, c'est le caballo, le cheval, parce qu'il fonce comme une brute, alors que l'autre a toujours été beaucoup plus nuancé, beaucoup plus fin, beaucoup plus silencieux. Après plusieurs années passées aux plus hautes responsabilités, après avoir engagé des réformes profondes pour les Cubains, Che Guevara veut exporter la révolution que d'autres peuples attendent, il en est persuadé. Une vision qui tranche avec celle de Fidel Castro. D'ailleurs, si l'histoire pose encore question sur certains aspects de leur relation, de nombreux chercheurs s'accordent pour dire que c'est ici que s'écrit la principale rupture entre le Che et Fidel. Le Che voit une révolution mondiale, quand Fidel, lui, ne voit qu'une révolution cubaine. Un peu comme le clivage qui séparait Lénine de Trotsky vis-à-vis de la révolution russe et de son exportation. La comparaison s'arrête là, bien sûr. De décembre 1964 à mars 1965, et fidèle à sa doctrine, Che Guevara devient l'ambassadeur itinérant de sa révolution. Il voyage partout à travers le monde. En Égypte, en Chine, en Inde, en Algérie et même aux États-Unis, où il s'exprime à la tribune de l'ONU, à chaque arrêt, il rencontre les plus hauts responsables politiques, Nasser, Nehru, Mao. À chaque occasion, il se montre très critique contre toutes les formes d'impérialisme. Son discours est internationaliste. Comme ici à Genève, en Suisse, lors d'une conférence sur le commerce et le développement, où il répond en français à la question d'un journaliste. Je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est l'union de tous les pays dites en développement, et c'est la compréhension, s'ils sont capables, des grands pays développés capitalistes, de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour chercher une forme de relation qui permette un développement pacifique. Parce que dans ce moment, on doit se définir. Or, on peut et donner quelques avantages aux pays sous-développés pour se développer, et peut-être des grandes conventions sociales seront dans tous les pays sous-développés. Déjà pisté par la CIA qui s'inquiète d'un possible prosélytisme communiste, le Che est également traqué par le KGB qui s'inquiète de ses dérives révolutionnaires. Car son discours n'est pas seulement critique à l'encontre des États-Unis, il est aussi, et c'est là un aspect moins connu, dirigé contre l'Union soviétique. Che Guevara a beau avoir lu Marx et Lénine, il n'est pas pour autant communiste au sens bolchevique du terme. Preuve en est, pour lui, c'est bien tout l'hémisphère nord qui est coupable d'asservir l'hémisphère sud. Pour lui, le socialisme soviétique est coupable de connivence avec le capitalisme libéral américain sur ce point. Une lecture qui, soit dit au passage, est plutôt lucide du monde de cette époque. Au début du mois de mars 1965, il retourne à Cuba. Et là, du jour au lendemain, il disparaît. Plus de discours, plus de communiqué, rien. Personne ne sait où il est. Alors bien sûr, les rumeurs les plus folles circulent, on le dit mort, on le dit arrêté par Fidel Castro sur ordre de Moscou, bref, on dit beaucoup de choses sans vraiment savoir. Le seul élément concret qui ressort de cette période, elle aussi sujette à une grande controverse, c'est cette lettre lue par Fidel Castro devant le Parlement cubain le 3 octobre 1965. Lettre que le Che aurait écrite à l'intention de Fidel et dans laquelle il livrerait son testament politique. Dans une révolution, on va ou on meurt. Si elle est authentique. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio. J'en ai fini avec cette part de mon devoir qui me liait au territoire de Cuba. Et je vous quitte, toi et mes camarades, ton peuple qui est devenu le mien. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación. Si je fais le compte de ma vie, je crois avoir honnêtement travaillé à consolider la révolution. D'autres terres par le monde demandent le concours de mes modestes efforts. Certains disent qu'il était vu en Afrique, d'autres en Asie, armes à la main. Pendant près de 2 ans, tout le monde le cherche. Pendant que lui s'active, écoutez-lui sa révolution armée. « aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Dernier top inter, on met sa montre à l'heure, il est 13h. France Inter, Interactualité Magazine, Pierre Charpentier. L'homme mystère de la révolution cubaine, le premier compagnon de lutte de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, qui a disparu sans laisser d'autre trace que la lettre qu'il écrivit le 1er avril 1965 à Fidel Castro au moment de quitter Cuba, est-il entre les mains de la police brésilienne? C'est en effet la question que l'on se pose ce matin. La police de l'État brésilien du Mato Grosso vient d'arrêter un guérillero cubain. Il affirme se nommer Arnaldo Gutiérrez, mais les policiers brésiliens pensent qu'il s'agit en fait du célèbre Che Guevara, dont les autorités cubaines se sont toujours refusées à donner des nouvelles depuis sa disparition. En ce début d'année 67, tout le monde cherche à savoir où se trouve le Che. Les informations contradictoires se succèdent dans la presse. De leur côté, la CIA et les autres services de renseignement sont persuadés que le commandante de la révolution cubaine est mort. Mort au combat, au Congo ou ailleurs en Afrique. Il n'en est rien. Oui, le Che est passé par le continent noir pour aider des guérillas, mais il n'y a pas laissé la vie. Entre-temps, il est revenu en Amérique du Sud après un bref passage par Cuba où il vit dans la clandestinité. Il change d'identité et obtient plusieurs faux passeports avec ce nom d'emprunt. Adolfo Benito, une référence au prénom d'Hitler et de Mussolini. Ce changement s'accompagne aussi d'une profonde transformation esthétique. Le Che subit plusieurs opérations pour modifier son visage. Il se rase, il se coupe les cheveux, il est méconnaissable, il est comme un fantôme. Au même moment, au printemps 67, règne en Bolivie une intense agitation. Des groupes de guerrieros, répondant au nom d'armée de libération nationale, agitent le pays et tentent de fédérer les paysans à leur cause. Les États-Unis suivent le dossier de très près, ne voulant pas d'un nouvel État aux influences marxistes sur leur continent. Au mois de mars, deux déserteurs de ces guerrieros donnent des informations détaillées sur les lieux où se cache le reste de leur groupe. Alors l'armée encercle les campements et arrête un Argentin du nom de Ciros Bustos et un Français, Régis Debray. Les deux hommes sont passés à tabac et interrogés pendant plusieurs semaines. Les militaires découvrent alors des dessins de Bustos sur lesquels on reconnaît un visage semblable à celui du Che. À cela s'ajoute au témoignage de deux déserteurs qui affirment eux aussi avoir rencontré cet homme qui s'est fait appeler le commandant Ramon. La rumeur grandit. La CIA rouvre le dossier de Che et envoie des agents à la base. À la fin de septembre 1967, après plusieurs mois de traque, les guerriers boliviens sont encerclés. Le Che et ses derniers compagnons se retranchent dans les gorges maudites du Churro. Affaibli par son asthme et par les conditions de vie exécrables, le Che tente de résister. Il essaie de fuir, toujours un peu plus loin dans la jungle, mais il est conscient de ce qui l'attend. Dans son journal de Bolivie, il écrit « Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que nous sommes arrivés au dernier combat. » Quelques jours plus tard, le 8 octobre 1967, le Che et ses derniers compagnons sont encerclés par l'armée bolivienne. S'ensuit une fusillade qui dure presque une journée. Guevara est blessé à la jambe. Le soir, il est fait prisonnier et on l'enferme pour la nuit dans une école à La Higuera. Le lendemain, l'armée bolivienne annonce qu'il est mort. La nouvelle fait le tour du monde. Elle est reprise sur France Inter. Le corps d'un homme barbu, les cheveux longs, vêtu d'un pantalon vert olive, gît en ce moment sur un brancard dans une ancienne étable à Valle Grande. Il s'agit du corps du commandant Ramon, nom de guerre supposé d'Ernesto Che Guevara. Mais est-ce réellement le corps du Che? Sur ce point, l'incrédulité qui était jusqu'à présent celle des journalistes tend à disparaître. Selon l'agence Reuters, les empreintes digitales du cadavre sont celles de Guevara. Les traits du visage ressemblent étrangement à ceux du guérillero et la stature de l'homme est la même. S'il reste un doute, il vient désormais de l'avalanche de preuves fournies par les autorités boliviennes. Avant de mourir, le commandant Ramon aurait déclaré « Je suis Che Guevara, j'ai échoué ». On transfère son cadavre sur le patin d'un hélicoptère direction Valle Grande en Bolivie et on l'installe sur le lavoir d'une buanderie de l'hôpital. Le plus grand guerriero de la planète est là, mort, yeux grands ouverts. Le journaliste américain Gary Prado témoigne avoir vu le corps sur place et ce visage, dit-il, vieilli et fatigué. Mais il affirmera aussi avoir vu de nombreux responsables de l'armée bolivienne et des agents de la CIA aux alentours, preuve que les États-Unis sont bien pour quelque chose dans sa mort. Quelques mois plus tard, on découvre, grâce au témoignage de plusieurs soldats, que la mort d'Ernesto Che Guevara n'est pas survenue dans une fusillade. Non, il s'agit d'une exécution. Ce serait le général Amaya et l'agent de la CIA Félix Rodriguez qui, une fois sur place, auraient reçu l'ordre codé 500-600. 500 était le nom de code pour l'identité du guerriero Che Guevara. 600 voulait dire « il doit être exécuté ». Un jeune sergent est chargé d'appliquer cette sentence en lui tirant une rafale dans l'abdomen à bout portant. L'autre aspect trouble de cette histoire concerne le corps d'Ernesto Guevara. En effet, pendant 30 ans, il disparaît. Et c'est l'équipe de chercheurs cubaines, argentines et boliviennes qui retrouve sa trace près de la piste de l'aérodrome de Villa Grande en juillet 97. Certains disent qu'il était impossible de lui trouver un lieu de sépulture qui ne se transforme en lieu de culte marxiste. D'autres disent qu'il fallait faire disparaître le corps pour éviter qu'on nous découvre qu'il avait été exécuté. Aujourd'hui, de nombreux livres sont consacrés à l'histoire d'Ernesto Che Guevara. Quelques-uns, comme celui de Jean Cormier ou celui d'Alain Foy, donnent les clés pour comprendre qui était ce personnage qui a marqué Cuba et le monde au XXe siècle. Pourtant, de nombreuses questions autour de sa mort restent en suspens et donnent lieu à un intense débat. Pourquoi le Che s'est-il rendu en Bolivie? Quel rôle a vraiment joué Fidel Castro dans toute cette affaire? La CIA et peut-être le KGB voulaient-ils sa mort? Autant de questions que nous allons poser dans quelques instants à notre invité, Régis Debray. Yeux grands ouverts à l'hôpital de Valle Grande, chemise déchirée en plein air, les tueurs aux tueurs ressemblent. Sur la photo, il pose à main, mais on le voit bien dépassé par l'aigle qu'ils ont accroché, qui les ignore. À côté, il y a une école où des gamins apprennent à lire. Posez là un journal de bord où tu n'a pas le temps d'écrire le nom de celui qui trahit. Le 7 octobre en Bolivie, près de ce mort si jeune encore, qui les ignore. En octobre, 67 dans la Sierra, Ernesto Che Guevara a pris son indépendance. En octobre, 67 dans la Sierra, Ernesto Che Guevara, quelle solitude, quelle errance. Quelle solitude, quelle errance. En octobre, 67 dans la Sierra, Ernesto Che Guevara a pris son indépendance. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort du Che, dont nous allons parler maintenant avec notre invité, Régis Debray. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi, donc, pour parler de cet homme devenu mythe et mythique de son vivant, et bien sûr, ensuite. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a connu le Che, qui a fait un bout de chemin avec lui. C'est votre cas. Ce mythe était un homme. Cet homme, vous l'avez connu. Quel était cet homme? Quelle était sa personnalité? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez rencontré? Là, je cherche le témoignage humain d'abord. Non, mais d'abord, vous savez, c'est pas un aventurier. Un aventurier est un homme seul. Le Che était d'abord un militant. Ça veut dire qu'il subordonnait sa personne à une cause plus grande que lui. Il avait des compagnons. Il avait, je dirais, une fidélité à Fidel Castro. On en reparlera. Hein, je vous étonne peut-être. Non, on en reparlera. Donc c'était un homme extrêmement rigoureux, austère, qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de lui, car c'était pas un tendre, pas plus avec lui-même qu'avec les autres. C'était un homme que les épreuves avaient forgé, qui avait sans doute une sensibilité qu'il cachait. Il n'avait pas, comme Fidel, le don de communication. Il était un homme introverti. Un homme méfiant, parfois songeur, mais en tout cas, ce n'était pas ce qu'on appelle un leader politique. C'est étonnant, hein. Oui. Oui. C'était un chef, certes, mais sans rien de démagogique. Et quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qu'on rencontre comme ça, puis qui vous renvoient à des choses. Vous savez, moi j'ai connu le Che à Cuba en 61, donc j'étais très jeune, j'étais un étudiant français. Et puis, je faisais partie un peu de la conspiration, puisque Fidel m'avait envoyé en 66 repérer en Bolivie la zone de guérilla où le Che devait aller. J'en ai repéré deux, et malheureusement il en a choisi une troisième. Malentendu, dramatique, et même capital. Mais enfin bon. Faisait partie de l'équipe, non pas dans l'immédiat combattante, mais de l'équipe des contacts avec Cuba et les pays voisins, puisque rappelez-vous que la Bolivie n'était pas l'objectif du Che. Il s'agissait de faire une sorte de base arrière où viendraient toutes sortes de colonnes des pays voisins pour se former et retourner dans leur pays ensuite. Donc c'était un projet très vaste et à très long terme. Alors c'est important ça justement, parce que je disais tout à l'heure, et je crois qu'on peut en débattre, qu'il y avait une séparation entre Fidel Castro et le Che sur un point de doctrine finalement par rapport à cette révolution. Et là vous dites que la Bolivie ne voulait pas forcément exporter la révolution en Bolivie, là, vous le dites, hein, c'était une base arrière pour autre chose. Est-ce qu'il y a eu un différend? Est-ce qu'il y a eu un différend humain, personnel et politique, une brouille entre les deux? Parce que c'est ce que les historiens, beaucoup, hein, disent. Eh bien, les historiens se trompent. Ils ont évidemment l'image, je dirais paresseuse, mais éloquente, de Trotsky d'un côté, Staline de l'autre. On a tous ce schéma-là, mais ça colle pas du tout. Écoutez, moi, je peux vous le dire, parce que j'ai... Vous y étiez. Voilà. J'ai fait agent de liaison entre les deux, n'est-ce pas? Et je peux vous dire, d'abord, le vrai problème n'est pas pourquoi le Che est parti de Cuba, mais pourquoi il est parti si tard. Car dès le début, dès qu'il arrive à Cuba, je crois que c'est en 1960, qu'il dit à Fidel, moi je m'en vais. Mon but n'est pas Cuba. Mon but est beaucoup plus vaste. Et Fidel a tout fait pour le retenir. Ce qu'il a réussi à faire pendant quelques années, lui donnant d'ailleurs des jusqu'à responsabilités. Jusqu'à ce qu'il parte au Congo avec l'appui complet de l'armée cubaine et de la logistique cubaine, puisqu'il n'y avait avec le Che que des officiers et des soldats cubains, tous noirs. Hein. Et ensuite, il revient et je suis témoin que Fidel lui dit non, ne pars pas, les conditions sont pas prêtes. Et puis, je suis témoin de la façon dont le Che parlait de Fidel. Dans la guérilla, il en parlait comme du numéro un, comme de son... Il n'y avait pas de querelle de pouvoir entre les deux, c'était bien aucune, défini. Aucune. Écoutez, il y avait, chez Fidel, moi, avant que je parte pour la Bolivie, j'ai passé une nuit avec Fidel à parler de tout ça, et la façon dont Fidel parlait de son frère Guevara... avec beaucoup de tendresse et de lucidité, car il connaissait les défauts du Che, à savoir aller trop vite, aller trop loin, un excès de radicalité. Il était inquiet pour, je dirais, ce que le Che avait d'absolu, si vous voulez. Ouais, mais il était inquiet, comme on l'est pour un quelqu'un copain, pour un frère, n'est-ce pas? Et puis j'ai su aussi les messages que m'a donné le Che pour Fidel quand je suis parti. Donc non, vraiment, ça marche pas. Alors qu'il y ait eu, si vous voulez, une différence objective entre un homme qui est responsable d'une révolution qui bat de l'aile économiquement, à savoir Fidel Castro, qui a la charge d'un État, donc d'un peuple qu'il faut nourrir, etc. Et le Che internationaliste depuis le début, c'est évident qu'il y avait des divergences. Mais elles étaient, je crois, complémentaires. Et les réticences que le Che avait envers l'Union soviétique, laissez-moi vous dire que Fidel, à l'époque, les partageait. Un jour, il m'a dit, écoute Régis, je reviens du RSS. C'est un peuple géant dirigé par des nains. Bon, donc tout est dit. Il n'y avait pas trop d'illusions, n'est-ce pas? Mais il est vrai qu'à un moment donné, disons que l'ouverture vers l'Amérique latine ne se concrétise pas avec la défaite du Che, la défaite du Venezuela, quelques autres, etc. Et Fidel est bien forcé de se rapprocher, peut-être trop d'ailleurs, de l'Union soviétique. Le costume romantique qu'on met sur les épaules de Che Guevara, de sa révolution, il vous paraît justifié, ou cette dimension-là, elle correspond à la réalité? Qu'appelez-vous romantique? Cette révolution romantique qui a fait rêver tant de personnes qui partageaient ces idées-là et qui voulaient que le monde change, et il y avait une incarnation avec un héros dans un roman, oui, qui est celui de la réalité, évidemment, mais qui est le roman national de Cuba et le roman d'une idée. Oui, moi je n'appellerais pas ça romantique. Je vais utiliser un mot peut-être plus draconien, c'est mystique. Il y avait chez le Che une mystique de justice et d'égalité, un peu au sens où Peggy dit... on commence par la mystique, on finit par la politique. Lui, il est resté dans la mystique, si vous voulez. C'est-à-dire une sorte de refus du compromis, une sorte d'abnégation personnelle et une croyance, je dirais, entre chrétienne et marxiste, qu'il avait une destinée à accomplir, mais pas lui en tant qu'individu, mais une destinée fusionnelle à rencontrer le mouvement de l'histoire et, en gros, à rencontrer le mouvement des opprimés ou des damnés. Alors, ça n'est pas une émission sur votre aventure à vous, Régis Debray, c'est une émission sur Che Guevara, mais il se trouve que les deux chemins se croisent, et donc vous êtes, après l'arrestation en Bolivie, vous êtes maintenu à l'isolement pendant de longues semaines. Alors nous avons retrouvé une archive, la première dans laquelle vous vous adressez à un journaliste. Alors c'était en septembre 67, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec Frédéric Potcher, et vous étiez en compagnie de votre père. Hein, nous sommes au début du mois de septembre 67. C'est un souvenir qui remonte à 50 ans, on l'écoute. Je suis tellement content que mon fils puisse parler enfin à les journalistes français qu'il a réclamé si longtemps. Enfin, maintenant, je peux le voir librement, on va pouvoir bien travailler ensemble, on va bien anéantir cette extraordinaire accusation qui paraît... Moi, ça me paraît un procès du Moyen-Âge. Oui. J'ai l'impression qu'on va faire le procès de Jeanne d'Arc, puisqu'on m'a demandé de le faire abjurer. Et que j'ai pas voulu me faire abjurer. Encore que j'ai pas ses opinions, hein. Ouais, mais je sais. C'est pas pour ça que je vais faire abjurer mon fils, surtout dans la situation où il est. Oui. C'est ça qu'on n'a pas très bien compris ici. Oui. Régis, qu'est-ce que vous dites de ce que vient de dire votre père, là? C'est du Moyen-Âge et tout ça. C'est votre avis? Oui, enfin, dramatisons pas. Moi, je crois que c'est le procès des temps modernes. Ce que mon père ignore, c'est que le Moyen-Âge règne dans beaucoup de pays, c'est tout. Ouais. Vous voyez, voyez, une question de génération. Vous avez beau être un grand avocat. Ben non, mais c'est une question de génération. Depuis que quelques semaines que je suis ici, j'avoue que je me rapproche de lui. Je me rapproche de lui. Et vous savez, sa mère, la réac numéro un, comme il l'appelle, ben elle se rapproche aussi de lui depuis le 6 mai qu'elle est ici. Oui. Elle voit des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Vous aviez entendu de nouveau cette archive? Non, vous savez, c'était très surprenant parce que c'est vrai que j'étais dans incommunicado, comme on dit, sans voir personne pendant deux mois. Et puis tout d'un coup, il y a eu une grande opération de communication organisée par le gouvernement bolivien, je crois avec de bons conseils, avec ce qu'on appelait pas encore des spin doctors. Et donc, effectivement, à un moment donné, les portes se sont ouvertes, j'ai pu voir mes parents. C'était pour montrer que tout était normal, que j'étais bien traité, ce qui n'a pas été le cas précédemment, mais je comprends. Il y a une très bonne utilisation, excusez-moi, je suis pas là pour parler de moi, mais pour parler de Tuché, mais disons, j'étais très utile pour dénationaliser le mouvement. C'est-à-dire? Eh ben, pour montrer que c'était un castro-communiste venu de l'extérieur, qui venait, comme un vautour se jeter sur le peuple bolivien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils avaient, puisqu'au fond, un peu, je dirais, le point faible de la cuirasse du Che, c'était la question nationale, si vous voulez. Il y avait des heurts entre les Boliviens de son groupe et les Cubains, et la propagande gouvernementale a beaucoup insisté pour faire de ces guérilleros des agents de Moscou venus de l'extérieur, sans rapport avec les racines historiques du peuple, etc. Bien sûr. Avoir un Français un Français communiste, enfin un supposé communiste, qui ne l'était qu'à moitié, mais enfin tout de même, c'était formidable. Donc j'ai été mis, si j'ose dire, sur les devants de la scène, et c'était très gênant, car il fallait absolument que le mouvement soit... bolivien, national, populaire, et le drame, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas eu de contact entre les mineurs boliviens, qui étaient la zone la plus politisée, les mineurs boliviens qui se sont soulevés au mois de juin, 24 juin, le massacre de la nuit de la Saint-Jean. Donc il y avait ces mineurs boliviens qui soutenaient la guérilla, et la guérilla qui était à 600 kilomètres. Et il n'y avait aucun rapport entre les deux. Et la zone où la guérilla était, il n'y avait personne. Ouais. On n'a pas fait un recrutement pendant 6 mois. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça la tragédie. C'est l'absence de contact entre le détonateur et l'explosif. En petit simple, parce que le Che disait ça tout le temps. Il disait, écoutez, nous, les Cubains, on est simplement l'amorce, on est le détonateur. Mais l'explosif, c'est vous. C'est vous, les Boliviens, disait-il, n'est-ce pas? Mais la greffe n'a pas pris. Il n'y a pas eu de rapport, même physique, entre le détonateur et la charge explosive de la colère ou de la solidarité bolivienne. C'est ça le drame. Et puis aussi l'endroit choisi, vous avez dit, il y avait deux endroits possibles. Ah bah c'était catastrophique. Troisième, c'était vraiment une très grave erreur, fatale, quoi. Ah, c'est là où tout s'est joué. C'est là où tout s'est joué. Et J'ai une certaine difficulté à comprendre, mais c'est après que j'ai compris. Il y avait la zone de l'Alto Beni proche de La Paz, la zone du Chaparré proche de Cochabamba. J'avais fait les plans de ces deux zones, j'avais tous les photos, les cartes. Je connaissais toutes les garnisons, etc. Et le Che m'a dit, écoute, j'ai pas eu le temps de lire tes rapports, mais ce sera le front numéro 2 et le front numéro 3. Et le choix a été fait. Alors là, peut-être que la psychologie du tué s'en aurait vint compte, c'était proche de l'Argentine. Oui. Et lui, c'était l'Argentine qui l'intéressait. Et il est allé là. C'était son but, c'était vraiment son but ultime, son dessin absolu. Oui, je pense qu'effectivement, en tout cas, non, son but ultime, c'était la libération de l'Amérique latine dans son ensemble. Mais lui, personnellement, s'il avait pu former sa colonne, une colonne de 100 ou 200 hommes, c'est en Argentine, dans le nord argentin, à Salta, où il serait allé, où était déjà mort l'un de ses amis, Massetti, en 65. Et effectivement, son image, c'était plutôt San Martín que Bolivar, si vous voulez. Mais je crois que c'est une des raisons qui explique le choix de cette zone, qui, sur une carte, quand vous regardez une carte ou un millionième, vous voyez que c'est pas loin. Seulement, on ne connaissait pas cette zone. Elle était épouvantable. C'était une jungle par rapport à laquelle la Sierra cubaine était un jardin botanique, si vous voulez. Et donc, je crois que la guérilla s'est trouvée emprisonnée par la faim, parce qu'ils avaient faim. Il y avait un peu de chasse, mais pas beaucoup. Et dès qu'ils prenaient contact avec un paysan, le paysan ne comprenait rien, ne parlait même pas la même langue, puisque là-bas, c'est le Guarani. Et donc, il allait à la caserne, pas loin, pour dire qu'il avait vu des gens bizarres. C'est qu'il y a un problème de logistique, d'emblée. Ça a été en partie un problème de logistique, oui. Il n'y avait pas de base arrière. Et puis... Et puis, le 22 septembre, le Che et Inti Peredo, qui était le numéro 2 et le numéro 1 de la Bolivie, font un meeting, le premier meeting politique qu'ils font, dans un petit village, Alto Seco, pas loin du Rio Grande. Et le maire, ensuite, va prévenir l'armée. la gorge du Yuro, ensuite... Voilà, cette histoire qui, finalement, est devenue une victoire, car cette défaite tactique est devenue une victoire symbolique, bien sûr, imaginaire et mobilisatrice. C'est-à-dire, tous les gens que la guérilla n'a pas réussi à mobiliser, la mobilisé à titre posthume, si vous voulez. Et ça a eu une efflorescence de mouvements ensuite, dont le Nicaragua. Donc, voyez-vous, il y a parfois... après la mort, des résurrections. La preuve. Merci infiniment, Régis Debray. Le temps passe très vite. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la mort du Che, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire dite de l'école en bateau. L'école en bateau.